Vous écoutez L'Heure internationale, une émission présentée et animée par le Comité de solidarité Trois-Rivières qui œuvre en Mauricie dans le domaine de la coopération internationale depuis 1973. Le Comité de solidarité Trois-Rivières travaille à créer un monde plus juste, plus équitable, affranchi des dominations politiques, militaires et économiques. Alors, je suis Alexandre Gauthier et on va passer les 60 prochaines minutes ensemble. On fait un tour du monde en actualité et un peu plus tard dans l'émission, on reçoit quelqu'un qui connaît très, très bien tout le domaine de la militarisation du Canada et on parle de la mission canadienne en Afghanistan et de son prolongement, en fait, avec Raymond Legault, un des membres fondateurs et un des membres très, très impliqués au sein du collectif Échec à la guerre. Alors, on commence cette émission avec un tour du monde en 60 minutes. Bonjour, François Landry. Bonjour, Alexandre Gauthier. Ça va? Bien oui, toi? Oui, oui. Écoute, on fait le tour du monde, oui. On va s'arrêter sur deux régions principales du monde. Le premier pays, c'est la Libye. On ne peut pas y échapper. Je ne sais pas si tu as regardé le discours de Muammar Kadhafi à la télé. En fait, j'ai pas écouté le discours en soi. J'ai juste entendu les commentaires de François Brousseau à Radio-Canada hier. Je sais pas si... En tout cas, moi, ça m'a marqué, cette phrase-là. Je connais pas beaucoup Kadhafi, je t'avouerai. Et le discours semblait assez sinistre avec les extraits qu'on avait. Là. Donc, lorsqu'il disait qu'il voulait purger maison par maison pour être sûr qu'il n'y aurait pas de révolution. Et François Brousseau, qui est un politicologue, a dit que lui, il avait eu de la misère à analyser ce discours-là parce que lui, il étudie en sciences politiques, donc il fait de la science politique. Et c'est un bon psychiatre que ça aurait pris pour analyser le discours de Kadhafi. Je trouvais l'image très frappante, mais non, j'ai pas entendu ce discours. Je suis d'accord avec Brousseau. Pour l'avoir écouté, le discours, c'était un peu un discours à la Castro. Donc, très, très long, des fois, qui déraillait, il allait à côté du message à livrer. Mais c'était du Kadhafi, donc je ne veux pas comparer avec Castro. C'est deux êtres totalement différents avec une vision de voir les choses totalement différentes. Mais Kadhafi, c'était quelque chose. C'était vraiment un appel à la guerre civile qu'il faisait. Donc, c'était tirer sur tout ce qui est contre Kadhafi. Il parle à la troisième personne, donc... une dépersonnalisation du dossier. Il n'est pas Kadhafi. Il se bat pour Kadhafi. Donc, la Libye, c'est Kadhafi. Kadhafi, c'est la Libye. C'était assez surprenant et même malaisant, je veux dire. On n'est pas habitué à ce genre de discours-là en Occident, où tout est plus axé sur l'individu, la personne. Donc, c'était quelque chose. J'ai sorti deux articles de journaux. Un qui fait la une du Devoir de l'édition du mercredi 23 février. Donc, la terreur, dernière carte de Kadhafi. Je vais vous lire des passages du discours, puis on pourra analyser le tout après, si on veut bien. Donc, le chef de la révolution a promis qu'il se battrait jusqu'à la dernière goutte de son sang pour mater la révolte qu'il y a présentement. Et puis, il dit, comme tu le disais avec François Brousseau, « Pourchassez-les, arrêtez-les, remettez-les aux forces de sécurité. Ils ne sont qu'une poignée. Ce sont des terroristes. » C'est mon pays. Muammar n'est pas un président qui abandonne son poste. Muammar est le chef de la révolution jusqu'à la fin des temps. C'est assez significatif, hein? Il n'a pas dit aussi que les protestataires étaient sous l'influence de drogue? Oui, ça, c'est soit un dérapage ou il y a des informations que nous, on n'a pas. Ben, donc, je pense qu'il y a fait aussi peut-être un point de vue culturel par rapport à la drogue à ce moment-là. Parce que, je veux dire, ici, on ne pourrait pas entendre ça. Là, les protestataires du G20 étaient sur la drogue. Ça passe moins bien. C'est ça. Mais il a accusé les Tunisiens et ça a jeté un froid entre les deux pays. Parce qu'on sait que si on regarde la carte du Maghreb, donc du nord de l'Afrique, à gauche, tu as l'Algérie. Entre l'Algérie et la Libye, tu as la petite Tunisie, donc frontière commune avec la Libye, et à la droite de la Libye, tu as l'Égypte. Donc, la Libye qui est cernée par deux pays où la révolte populaire a fait tomber les têtes dirigeantes, les dictateurs. Et Kadhafi le sait très bien que l'influence tunisienne et l'influence égyptienne peuvent influencer les Libyens. Donc, c'est pour ça qu'il a accusé les Tunisiens justement de... prendre la drogue des psychotropes pour faire la révolution à Libye. Donc, c'est peut-être que c'est une référence culturelle que j'ignore, mais c'était quand même assez étrange à mes oreilles d'entendre Kadhafi parler de drogue et de révolution. Donc, bref, ça, très bon article dans Le Devoir de ce matin. Ensuite, l'autre article, c'est Rue 89, le journal en ligne en France, qui énonce cinq éléments. Pourquoi l'Occident ne fait rien contre la Libye? On a vu qu'avec la Tunisie, la France avait joué un peu en voulant mater la révolution en faisant parvenir des armes, des lacrymos au président Ben Ali. Puis on avait bien ri de Sarkozy qui finalement a viré son capot de bord, que Washington aussi soutenait un jour le gouvernement de Ben Ali, le lendemain, Hillary Clinton disait non, non, non, on le déteste, le lendemain, c'était bon. On a vu, même chose pour l'Égypte, mais là, présentement, pour la Libye, à part à faire un appel aux ressortissants disant « quitter le pays », il n'y a rien qui est fait. Pourquoi? Uru 89 explique en 5 éléments pourquoi l'Occident ne fait rien. Le premier élément, c'est le pétrole. On s'entend, la Libye est le 4e producteur de pétrole en Afrique et elle exporte 85 % de son or noir. C'est un grand exportateur de pétrole, grand producteur, et ça donne au gouvernement libyen, donc à Kadhafi, 35 milliards de dollars bruts par année. Donc, avec le 35 milliards de dollars, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut acheter des amis. Il peut... l'Allemagne, l'Italie, le gouvernement Kadhafi est très proche de l'Italie, de Berlusconi, pour deux raisons. Premièrement, c'est juste au nord, à quelques coups de rame de la Libye, c'est l'Italie. Et la police libyenne est formée en Italie, l'armée libyenne est formée en Italie aussi par des experts italiens. Et les contrats entre les deux pays, contrats pétroliers surtout, équivaut pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, c'est un contrat tout récent, là, ça ne date pas des années d'antan, c'est en 2008 que ça s'est signé. Donc, c'est hier. Donc, Berlusconi cautionnait Kadhafi. Et puis là, l'Italie est très frileuse à savoir s'il y a une révolte en Libye, qu'est-ce qui arrive avec mon pétrole? Parce que si l'Italie tombe, on sait que c'est un des pays qui pourrait connaître la prochaine récession en Europe. Avec tout ce qui se passe, on avait vu l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne chambranler un peu. Et là, l'Italie pourrait enclencher la nouvelle vague de déstabilisation de l'euro. Donc, ils surveillent ça. Donc, l'Occident ne veut pas vraiment se couper les robinets libyens. Parce qu'au cas où que Kadhafi remporte la victoire, est-ce que lui pourrait fermer le robinet? Peut-être. Deuxième élément à souligner, la Libye a un verrou contre l'immigration. Je l'ai dit, l'Italie c'est juste à côté et le gouvernement tunisien, lorsqu'il est tombé, il y a eu un flux massif de Tunisiens quittant l'instabilité politique et autour de violence. Donc, ils ont émigré en Italie. Donc, la Libye pourrait être présentement un frein à l'immigration, soit clandestine, en fermant ses ports, en faisant une surveillance maritime. Mais c'est aussi un rempart contre l'islamisme. Parce que Kadhafi, c'est un socialiste, il s'est autoproclamé socialiste, et il a dit, lui, la religion n'a pas sa place ici. Il a rallié toutes les tribus chrétiennes, musulmanes et autres d'obédience, et il a dit, non, on est libyen. On est d'abord et avant tout libyen, Dieu passe après. Et là, contre l'islamisme, il en avait fait une guerre personnelle, donc il n'y avait pas de radicaux en ce pays-là, mais avec un renversement de pouvoir, est-ce que les frères musulmans en Égypte pourraient tenter une percée en Libye? C'est un fait probable. Quatrième élément, l'instabilité tribale et l'absence d'opposition. On sait que Kadhafi est en poste depuis 69, donc plus de 40 ans. Il n'y a aucune opposition officielle de formée et toute l'instabilité tribale, il y a plusieurs tribus en Libye, mais elles sont regroupées sous le gouvernement de Kadhafi. Il a su les rallier à la cause libyenne. Et là, avec l'instabilité, il pourrait y avoir divergence. Une tribu qui est plus populaire que l'autre ou plus populeuse que l'autre pourrait vouloir le haut du pavé dans une démocratie. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne, la majorité l'emporte. Et là, les gouvernements occidentaux disent wow, on ne connaît pas l'opposition avec qui on pourrait faire affaire. Est-ce qu'on fait affaire avec la minorité mais qui contrôle le secteur pétrolier? Est-ce qu'on fait affaire avec les radicaux qui pourraient mater la révolte? Est-ce qu'on... Bon, tu vois le topo, ils ne savent pas, donc il n'y a pas de négociation ou un chef charismatique qui aurait étudié à Harvard ou à Oxford, tout comme on l'avait vu en Afghanistan avec le président actuel qui n'a jamais mis les pieds en Afghanistan à part à sa naissance. Mais pour la Libye, il n'y a pas de joker dans leur paquet de cartes, donc ils ne savent pas quoi faire présentement. Et dernier point, les expatriés pris au piège. La France a 750 ressortissants français en Libye. Ils vont les évacuer, c'est déjà en voie d'être fait. Mais aussi, Kadhafi a promis de verser le sang à tous ceux qui s'opposent au régime. Donc, tous ceux qui fuient la Libye sont aussi des méchants, selon Kadhafi. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une répression jusque dans les pays hôtes? Est-ce qu'il y aurait les services secrets libyens qui pourraient faire des assassinats politiques un peu partout à gauche et à droite dans le monde? Ce qui pourrait déstabiliser les gouvernements de par leur prise de position à la suite des événements? Donc, tout ça, ces cinq éléments-là font en sorte que l'Occident se tient très peinard présentement, ne veulent pas trop s'impliquer. Bien, en fait, dans toute la crise qu'on voit présentement, les révoltes des peuples là-bas, l'Occident est un peu mal placé parce que ça fait 40 ans, tu dis que Kadhafi est au pouvoir, ça fait pas mal 40 ans qu'il doit être appuyé par plusieurs puissances occidentales, comme l'était Moubarak, comme l'était Ben Ali, comme le sont encore bien d'autres, là, et que présentement, il y a certaines révoltes, mais il y a des places où présentement on en parle moins, mais c'est tous des régimes qui ont été mis en place, consolidés, et ça faisait l'affaire, du moins, des puissances occidentales, et même ça fera l'affaire des puissances occidentales pour ceux qui auront réussi à mater la révolte. Là, le Canada ne va pas pleurer pour ça présentement. Là. Non, aucunement. Parlant justement du Canada, des relations internationales, on a suivi un peu la saga Bévoda la semaine dernière. Oui. Alors, Bévoda, la ministre de la coopération internationale, qui, dans le fond, a posé sa signature sur un document et a rajouté une note. Dans le fond, c'est un document qui était pour du financement pour l'organisme Kaira. C'est 7 millions sur 3 ans. Et pendant un an, elle a dit que finalement, c'était la décision de ses fonctionnaires et non pas la sienne. Et il y a eu aussi d'autres échos comme quoi ça venait d'une décision comme quoi là, l'intervention de Kairos face aux Palestiniens ou leur prise de position contre les Israéliens, c'était pas nécessairement quelque chose que le gouvernement voulait cautionner. Donc, ça a soulevé beaucoup, beaucoup de tollés. Et toute la semaine, ils ont essayé en chambre, les conservateurs. En fait, c'est pas Bévoda qui répond, là, c'est Harper lui-même, donc qui se lève pour défendre sa ministre. Aussi, ça envoie un signal clair de d'où venait l'ordre, en fait. Là. Alors, souvent, le monde va demander la démission de Bévoda, mais la question, c'est d'où venait du moins l'approbation, sinon même quelqu'un qui aurait tordu un peu le bras. Là. Donc, Harper qui défend sa ministre et qui invoque toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses au courant de la semaine. Et, dans le fond, une des meilleures qu'on a entendues, c'est tout récemment, donc il y a 2 jours environ, là, la déclaration officielle du gouvernement conservateur sur ce dossier-là, c'est « La ministre n'a pas menti, seulement vous ne lui avez pas posé exactement la bonne question. » Ah là, ça, c'est pas fort. Non, mais dans l'ensemble de cartes qu'on pouvait jouer pour défendre une ministre, celle-là, c'est pas la meilleure. Je veux dire, il y a des enfants au primaire qui sortent des meilleures excuses quand ils font des mauvais coups. Non, c'est à retravailler quand même. Mais ça me rappelait aussi, c'est pas Brian Mulroney qui a sorti exactement la même... il avait fait un témoignage dans lequel il disait pas spécifiquement quelque chose, mais je veux dire, là, c'est pas une grosse excuse. C'est le truc, bien souvent, je réponds à la question si elle est seulement précise. On le voit souvent à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale. Vous répondez pas à la question. Vous m'avez pas posé la bonne question. Donc, il y a un jeu de stratégie de chat et souris là-dedans. C'est démagogique, c'est du Harper, le Harper style qu'on pourrait appeler. Ça sera à suivre parce que Bévoda n'est pas sorti de l'auberge. Le gouvernement Harper, c'est une épine à son pied, une épine de plus, là, je ne sais plus où ils pourraient les planter, là, mais il y en a tellement. Mais Bévoda, oui, c'est maintenant un handicap et on verra avec la prochaine élection si elle va revenir ou si elle va être mise au rencard, comme José Werner à l'époque, il y a 2-3 ans aussi, elle avait fait des déclarations un peu saugrenues. Et aujourd'hui, José Werner, c'est une backbencher, donc une députée d'arrière-bas. On verra si Harper maintiendra Bévoda. Une autre nouvelle, c'est le CIPRI. C'est un organisme, dans le fond, qui fait, si on veut, le suivi des dépenses militaires mondiales et pays par pays. Et quand on cherche la documentation, là, à savoir au niveau des dépenses militaires, c'est pas mal l'organisme de référence que tout le monde se réfère à, tu sais. Et chaque année, il sort son palmarès en disant, ben est-ce que les dépenses mondiales sont en croissance, en régression et tout. Et on aurait pu s'attendre, suite à la crise économique qu'il y a eu au cours des dernières années, à une légère régression, ou du moins un plafonnement des dépenses militaires. Mais non, une augmentation de 8% pour l'année dernière du nombre de ventes d'armes, en fait, mondiales. Donc, 8% d'augmentation au niveau des armes. On coupe dans un paquet de secteurs dans tous les pays. Là, on présente des mesures d'austérité, on présente des plans où il faut, dans le fond, mater les syndicats, il faut supprimer les dépenses de l'État. Et là, 8% d'augmentation des ventes d'armes. Et là, qui vend les armes? C'est pas les pays du tiers-monde, c'est les pays industrialisés, c'est les pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme plusieurs pays européens. Donc, C'est un chiffre qui, moi, m'a frappé. Je trouve que c'est difficile à prendre, en fait, face au contexte mondial, de dire 8% d'augmentation des ventes d'armes, parce que ces armes-là, c'est pas des armes là, qu'on va stocker dans notre sous-sol. Là. C'est des armes qui vont... Ils ont un dessin, ils vont servir à quelque chose. Cette industrie-là... est florissante. Juste à regarder les budgets de militarisation au Canada qui ont augmenté de manière faramineuse ces dernières, mais depuis l'époque Harper. Aux États-Unis aussi, à cause du Patriot Act, où on ne remboursera pas la dette, on va couper dans les services sociaux, la réforme de la santé, l'assurance santé du président Obama, on va la mettre au rencard parce que ça va nuire à l'accroissement des dépenses militaires. La Chine, de son côté aussi, qui se militarise. Donc, il y a une effervescence là des grandes puissances industrielles, occidentales, oui, mais asiatiques et même l'Amérique du Sud qui pourrait se remilitariser de plus en plus. Donc, c'est une industrie florissante et qui dit habituellement militarisation et capitalisme, dit impérialisme. L'impérialisme, c'est la conjoncture des deux éléments. Donc, on est dans une nouvelle ère de course à l'armement. Depuis la chute du mur de Berlin en 89, il y a eu une descente un peu du commerce. Le marché au noir, par contre, fonctionnait très bien. Et là, on veut se restructurer, remilitariser pour faire la guerre au terrorisme. Le terrorisme n'a pas de visage, n'a pas de territoire. Donc, c'est pour ça que les pays occidentaux, très frileux, veulent se militariser pour se protéger contre tout le monde et personne à la fois. Et justement, tu parlais tantôt de la militarisation du Canada, l'augmentation des dépenses militaires là, depuis 2006 par le gouvernement conservateur, un budget qui est passé d'environ 14 point quelques milliards en 2006, qui est rendu cette année, pour l'année qui vient de passer, pour le dernier budget, autour de 21,3 milliards de dollars. Donc, c'est une grosse augmentation. Là. Et ça, c'est des dépenses qui, à chaque année, reviennent. Et là, on parle pour le prochain budget d'augmenter encore les dépenses militaires. Et là, ça se joue pas à la pièce. Là. Le plan du Canada déposé par les conservateurs est clair. Leur objectif est d'augmenter systématiquement le budget militaire sur une période de 20 ans pour le faire passer autour de 30 quelques milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose. Ces milliards-là, mettons, si on se rend jusqu'à 30 milliards, par exemple, et on était à 14, c'est 16 milliards additionnels par année qui s'en vont dans les dépenses militaires, dans des salaires, dans des bombes, dans de l'entraînement, dans des missions à l'étranger, dans toutes sortes de secteurs, finalement. Dans des avions qui servent strictement à rien au Canada. Tout à fait. Et ces 16 milliards qui s'en vont pas pour créer de l'emploi, qui s'en vont pas pour dynamiser l'économie, qui s'en vont pas dans les écoles, qui s'en vont pas dans les services sociaux, qui s'en vont pas pour les chômeurs, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'on ne sait pas où on regarde. Parce que si on ramenait le budget militaire, par exemple, comme tu disais, au cours des années 90, là, entre la chute du mur de Berlin et les attentats du 11 septembre, là, donc au niveau de 97-98 environ, en dollars constants, là, comme si on avait juste backé l'inflation, mettons, bien, c'est une économie substantielle que le gouvernement ferait. Juste présentement, c'est 10 milliards par année, la différence. 10 milliards de dollars par année. Et je veux dire, avec ça, là, en tout cas, j'ai quelques projets en tête. À 10 milliards, là, j'aurais les moyens de les faire. Et encore là, on aurait une armée capable d'intervenir en tant que casque bleu partout dans le monde et qui serait capable de participer à des missions de paix de l'ONU ou des choses comme ça, comme on faisait dans les années 90. On était le principal contributeur des casques bleus, mais on en avait quelque chose comme, je pense, c'est 1000 ou 2000 casques bleus. On était le premier contributeur mondial. Et maintenant, il y en a 57 casques bleus au Canada. Mais pour l'an dernier, 57, c'est le chiffre à peu près qui rentre dans un autobus jaune. J'imagine que c'est comme ça qu'ils transportent. c'était un choix pratique. Mais bref, c'est aussi la période des impôts présentement. Donc moi, je commence à regarder ça pour faire mes impôts. Et il existe un site qui s'appelle consciencecanada.ca et qui font depuis plusieurs années, en fait, le principe, c'est les impôts pour la paix. Donc, tu fais ton relevé d'impôts. Eux, ils donnent toute la documentation sur le site consciencecanada.ca. Et l'idée, en fait, c'est de remplir sa demande d'impôts et de retenir à la source le montant qui équivaut à ce qui va aller dans les dépenses militaires par nos impôts. Parce que c'est nous qui finançons cette militarisation-là. C'est nous qui finançons la mission canadienne en Afghanistan. Et à chaque fois qu'on donne 100 $ au gouvernement canadien sur nos impôts, il y en a 10 qui s'en vont pour la militarisation, pour le budget de la défense. C'est 10 %. Là. Et ce site-là, en fait, fait une espèce de... C'est une pression qui est surtout symbolique, mais qui fait valoir, dans le fond, l'objection de conscience par rapport aux dépenses militaires. Donc, consciencecanada.ca. Il existe toutes sortes de formules. Donc, pour ceux qui reçoivent de l'impôt au lieu d'en payer parce qu'ils ont payé à la source, etc., il existe plusieurs formules différentes qu'on peut voir sur le site. Et l'idée, dans le fond, c'est un moyen de pression symbolique et qui se popularise de plus en plus parce que là, ça a rapport avec l'argent, ça a rapport avec les impôts. Et en tout cas, il y a quelque chose à faire là-dessus. Consciencecanada.ca, les impôts pour la paix au Québec. C'est bien ça. Là, on parle aussi de coûts, d'austérité, des gouvernements qui sont riches, mais que la population s'appauvrit. Juste pour finir la revue de presse, en Grèce, actuellement, on l'a vu l'an dernier, ça avait brassé pas mal, mais là, avec les éléments du monde arabe, on a ombragé un peu l'actualité européenne. Mais je veux revenir sur cette brève-là, qui, cette brève d'une valeur très importante. Présentement, au moment où on se parle, il y a une grève générale en Grèce. Donc, tout le pays est paralysé. Et c'est la Grèce tourne au ralenti en ce mercredi 23 février, jour de grève générale contre l'austérité et l'appel des centrales syndicales du secteur privé et du secteur public. Donc, sans liaison maritime entre les îles pendant 24 heures, ni desserte ferroviaire et privé d'une partie des transports urbains, le pays doit aussi voir son trafic aérien perturbé dans la journée, donc les grandes heures de vol. Et en raison de la grève des contrôleurs aériens. Et ça, c'est une grève qui a été appelée par la centrale syndicale du privé, donc le GSEE, qui compte 1 million de membres. Ça a fait saliver les syndicats en Amérique du Nord aussi. 1 million de membres et du public ADB, qui a le tiers de ses membres. Donc, ça affecte l'administration, les hôpitaux, les services publics, les établissements scolaires. Et le mouvement engagé mardi s'est propagé jusqu'à mercredi. Donc, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de mise à jour Internet. Donc, tout est paralysé parce que là-bas, contrairement ici, les membres des syndicats sont membres non pas à cause d'un employeur, mais à cause d'une profession. Donc, si un journaliste est en grève, ce sont tous les journalistes. Donc, que ça provient d'un journal d'Athènes ou de Thessalonique, ça sont en grève, donc tout simplement. Et ils veulent se battre justement pour... Ils veulent faire reculer le gouvernement. C'est un gouvernement socialiste, c'est ça qui est paradoxal. C'est parce qu'il est tout nouveau. C'est un gouvernement conservateur jusqu'à l'an dernier. Il y a eu des élections précipitées et c'est les socialistes qui sont arrivés au pouvoir. Mais à cause du plan d'austérité européen, surtout de l'Allemagne, qui ont prêté de l'argent, ils ont dit « Vous redressez vos finances, sinon on vous coupe tous les vivres. » Donc, c'est le gouvernement socialiste qui est pris avec cette patate chaude-là. Donc, ça vient mettre un conflit entre les syndicats et un gouvernement qui serait, en théorie, sympathisant à leur cause. Donc, ils veulent vraiment manifester et ils veulent que la Grèce mette un frein aux compressions de 110 milliards de dollars. On ne parle pas d'un milliard, là. 110 milliards pour la Grèce, un petit pays industrialisé, mais quand même catalogué dans la catégorie pauvre en Europe. Donc, c'est à surveiller parce que la Grèce a eu des effets sur la stabilité de l'Europe. C'est à garder sous la loupe. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait le tour des actualités nationales et internationales. Tout de suite après une courte pause, je reçois M. Raymond Legault du collectif Échec à la guerre. On va parler de la mission canadienne en Afghanistan. C'est 2 milliards par année. Tu savais ça, François? Non, c'est trop. Ça va être 2 milliards par année. Et là, on propose de prolonger cette mission, donc de maintenir des soldats passé l'été qui s'en vient, donc passé l'été 2012. Ça se fait sans débat. Alors, on va parler un peu avec M. Raymond Legault pour voir un peu l'historique de la mission canadienne en Afghanistan. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Quand est-ce qu'on va pouvoir retirer nos soldats, puis, finalement? Est-ce qu'aussi, il y a eu des biens, du positif dans cette mission-là? Il y a eu 150 Canadiens qui sont morts et plus. Est-ce qu'il y a des répercussions positives? Ça, j'aimerais savoir parce que je n'ai pas encore réponse à cette question. Exact. On va essayer, dans le fond, d'avoir un autre discours là, que celui officiel de l'armée et des conservateurs. Alors, on va s'entretenir avec Raymond Legault du collectif Échec à la guerre. Vous écoutez L'Heure internationale, une émission d'actualité animée et présentée par le Comité de solidarité Trois-Rivières. L'Heure internationale, on reçoit M. Raymond Legault du collectif Échec à la guerre. M. Legault, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un peu là, de la mission canadienne en Afghanistan. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander, à l'origine, là, les soldats canadiens, finalement, ont été appelés à intervenir en Afghanistan. Et qu'est-ce qui justifie, en fait, le fait qu'on envoyait des troupes là-bas? À l'origine, là, c'est quoi la raison? Parce que ça fait quasiment 10 ans, là, donc pourquoi on est là? Oui, mais en fait, au tout début, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Et quelques heures à peine après les attentats, lors d'une rencontre de l'OTAN, on a invoqué l'article 5 de la charte de l'OTAN pour dire que finalement une attaque contre un pays était une attaque contre tous les membres de l'Alliance Atlantique. Alors à partir de là, les pays membres de l'OTAN s'engageaient donc à riposter à cette attaque-là aux côtés des États-Unis. Il y a eu pendant quelques semaines de la spéculation tout azimut sur les auteurs des attentats. Et assez rapidement, les États-Unis ont décrété que c'était un attentat d'Al-Qaïda et ont décidé de lancer la guerre contre l'Afghanistan. Alors déjà, à cause de la décision qui avait été prise au sein de l'OTAN, le Canada s'engageait à y participer et a envoyé des troupes dès le départ. D'abord des unités, je dirais, d'élite, là, qui font surtout des missions secrètes et en général pas toujours de nature légale. Et par la suite, il y a eu une participation avec au niveau naval, avec des frégates qui escortaient des bateaux des États-Unis et des troupes qui ont été envoyées en Afghanistan. Alors, à l'origine, là, l'ennemi qu'on visait, c'était le réseau Al-Qaïda, qui est un réseau multinational, finalement, qui est dans plusieurs pays du monde. Là, ça fait 10 ans qu'on est en Afghanistan. Est-ce qu'on a vaincu Al-Qaïda ou est-ce que maintenant on parle des talibans? Là, on ne parle plus d'Al-Qaïda. Selon la CIA, il semblerait y avoir à peu près une cinquantaine de membres actifs d'Al-Qaïda seulement maintenant en Afghanistan. Alors, ce n'est plus vraiment pour ça qu'on y est, sauf que ça apparaît quand même de temps à autre dans le discours officiel. Pour ce qui est des talibans, ben c'est sûr que c'était le régime taliban qui était au pouvoir en 2001, un régime qui était pas du tout progressiste ni démocratique. Par ailleurs, les forces auxquelles il avait succédé ne l'étaient pas davantage, et celles qu'on a mises en place avec l'invasion ne le sont guère plus non plus. C'est clair que de nos jours, on invoque davantage la question de la lutte contre les talibans, mais on essaie de faire des distinctions entre des talibans modérés avec lesquels on voudrait peut-être négocier et les autres qu'on voudrait combattre jusqu'au dernier d'une certaine façon. Mais là, vous disiez que le gouvernement qu'on a mis en place, en fait, que les Américains et les forces internationales, finalement, ont mis en place, n'est pas plus progressif nécessairement que les autres gouvernements qu'il y avait avant. Est-ce qu'on peut élaborer un peu là-dessus? Oui, tout à fait. Ben, d'abord, il faut dire que le président Hamid Karzai, c'était un Afghan qui résidait depuis des années aux États-Unis, qu'il a aussi la citoyenneté américaine, qu'il travaillait comme consultant pour des compagnies pétrolières aux États-Unis, entre autres une compagnie qui s'appelle Unocal, qui a été absorbée depuis dans la compagnie Chevron. Et Unocal travaillait à développer possiblement là, un contrat de pipeline pour traverser tout l'Afghanistan et amener du gaz naturel vers l'Inde et le Pakistan et d'autres marchés. Alors Unocal s'est vu refuser finalement le contrat par les talibans. Et d'ailleurs, il y a le ministre de la Culture britannique à l'époque qui avait révélé qu'on avait menacé de bombardement l'Afghanistan, même avant les événements du 11 septembre 2001. Alors, ce gouvernement-là, d'abord, il y a eu élection présidentielle, ensuite, il y a eu élection au Parlement afghan, et lors de la première élection, il y avait un appui assez grand à Hamid Karzai. Je pense que la majorité des Afghans et des Afghanes s'étaient dit, bon, ben, on va lui donner une chance et on va voir. Et par la suite, il y a eu développement là, de plus en plus de corruption et les groupes avec lesquels Hamid Karzai avait fait des alliances, qui étaient les mêmes avec lesquels l'OTAN avait fait des alliances pour renverser les talibans lors de l'invasion. Ce sont des groupes comme l'Alliance du Nord qui, eux-mêmes, sont considérés comme responsables d'atroces crimes contre l'humanité. Des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch appellent à ce que ces gens-là soient traduits en justice, etc. Et Human Rights Watch a documenté lors de la première élection législative que la majorité des membres du Parlement étaient liés aux seigneurs de guerre guerre qui était responsable de ces crimes-là ou au trafic de l'opium, au commerce international de l'opium, etc. Donc, on a affaire à un gouvernement qui, dans sa majorité, est lié à des éléments douteux de cette nature-là. Et on sait que lors des dernières élections présidentielles, il y a eu des irrégularités énormes qui ont été dénoncées par à peu près tous les organismes de droits de la personne dans le monde. Et donc, Hamid Karzai est encore au pouvoir à la faveur d'élections qui sont vraiment pas du tout conduites selon les règles démocratiques. Et quand on parle, en fait, des progrès qui se font là-bas, ou même qu'est-ce que les soldats vont être appelés à faire, on dit souvent, on ramène souvent la cause des femmes, en fait, en disant que les talibans étaient vraiment... Leur politique par rapport aux femmes, puis le droit des femmes, là, c'est pas nécessairement au cœur du projet taliban. Mais est-ce que ça s'améliore, le droit des femmes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, là, qu'on, sur le terrain, on sent-tu quelque chose par rapport à ça? Oui, bien là, vous touchez à une question fort importante, c'est tous les prétextes qui sont invoqués. Alors, les femmes, c'en est un, établir la démocratie, c'en est un autre, aider le pays à se développer, en est un troisième. Et en général, bon, ces motifs-là, ces prétextes-là, n'ont pas vraiment de réalité sur le terrain. D'abord, ils sont à contresens de ce qu'est une guerre dans son essence même. Alors, pendant une guerre, en général, on ne construit pas, on détruit. Pendant une guerre, les femmes vivent des situations, en général, de plus grandes difficultés, de plus grandes précarités, comme responsables de l'ensemble des charges familiales. Leur tâche devient plus difficile, que ce soit au niveau de la nourriture, des soins de santé, etc., parce que les services deviennent moins facilement accessibles, c'est plus dangereux. Il y en a qui sont bombardés, des cliniques qui sont bombardées, des écoles, etc. Et donc, le travail des femmes et leurs conditions de vie en général deviennent plus pénibles. Sur le plan légal, il y a certaines lois qui ont été adoptées par le Parlement afghan qui reconnaissent l'égalité des femmes, mais il y a eu aussi, et ça a été assez publicisé en Occident, des tentatives de rétablir un certain nombre de pratiques très rétrogrades, entre autres, par exemple, dans les communautés chiites, de reconnaître pratiquement le droit de viol au sein du mariage ou l'interdiction de sortir de la maison ou du village sans l'autorisation du mari ou des choses comme ça. Il y a même des lois qui avaient été revotées au Parlement afghan dans ce sens-là et c'est un peu... les hauts cris qui ont été poussés en Occident par les alliés du gouvernement Karzai qui ont amené à reculer un peu sur ces choses-là. Donc, on voit que les droits des femmes, même sur papier, même au niveau des lois, sont loin d'être assurés. Il y a une plus grande fréquentation de jeunes filles dans les écoles, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile et qui n'est pas tellement... c'est pas tellement la situation quand on sort de Kaboul. Donc, dans les campagnes ou dans d'autres villes qui sont peut-être davantage sous le contrôle des talibans ou de leurs alliés, parce que là aussi, il n'y a pas que les talibans qui résistent à l'occupation militaire étrangère de l'Afghanistan. Il y a d'autres forces qui sont en lien avec les talibans. Et c'est toujours des raccourcis qui sont pris dans le discours officiel pour nous dire « Ah, les talibans ». Et il y a aussi la nécessité peut-être de faire une analyse quand même de ce que sont les talibans aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient dans les années 90. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu une évolution au niveau de leur discours, mais c'est jamais vraiment analysé dans nos médias, ces choses-là. Et là, si dans le fond, les espèces de... Ce qu'on comprend, c'est que ramener la démocratie, lorsque la majorité des élus, c'est des seigneurs de guerre, des trafiquants de drogue, le droit des femmes, en fait, on voit aussi que c'est pas nécessairement au cœur de l'intervention. Et qu'est-ce qui justifie alors que depuis 10 ans, on maintient une mission en place là-bas qui coûte 2 milliards par année aux contribuables canadiens? Il y a bien de raisons pourquoi les soldats sont là. Oui, alors ça nous amène à nous creuser un peu les méninges sur quelles pourraient être les vraies motivations de ces interventions-là. Et parmi ces motivations-là, ben on retrouve d'une part toute la question des l'accès et du contrôle des bassins importants de ressources naturelles sur la planète, entre autres le pétrole, le gaz naturel. Et on sait que la région de la mer Caspienne est une région particulièrement riche dans ces ressources-là et qui était auparavant entièrement sous le contrôle de l'Union soviétique et des pays qui étaient liés à l'Union soviétique. Alors, avec la chute du pacte de Varsovie, la chute, la dissolution de l'URSS, etc., les États-Unis se sont vus maintenant davantage en position de contrôler une partie de ces ressources-là. Alors, on a vu tout un déplacement de bases militaires qui, auparavant, étaient en Europe de l'Est, se déplacer beaucoup plus vers l'Asie centrale. Et avec l'invasion de l'Afghanistan, on a exigé de plusieurs pays voisins qu'ils laissent les États-Unis établir des bases militaires dans leur pays pour qu'ils puissent de là décoller et mener des opérations militaires en Afghanistan, etc. Alors, il y a à la fois, on a parlé tantôt du pipeline transafghan, qui est un projet qui avait d'ailleurs été un an après l'élection de Hamid Karzai comme président afghan. Il y a eu une rencontre entre le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde pour re-signer ce contrat-là de pipeline transafghan, qui est un projet de plusieurs milliards et qui est finalement une des raisons économiques les plus importantes de notre intervention là-bas. Le Canada, on le sait, est un pays qui est assez important au plan international dans le secteur de l'énergie, en particulier des hydrocarbures. On a des grosses compagnies. On a des grosses compagnies minières aussi qui œuvrent, entre guillemets, sur à peu près tous les continents de la planète. Et il y a cet intérêt-là, donc, de la part des élites économiques canadiennes. L'autre aspect, c'est un aspect stratégique au plan contrôle, si on veut, de l'ensemble de la planète et de certains pays qui sont moins amicaux avec les États-Unis. Alors, on prend par exemple l'exemple de l'Iran, qui est un pays qui est beaucoup ciblé dans le discours des États-Unis comme étant un pays de l'axe du mal là, depuis George Bush fils. Eh bien là, en ce moment, les États-Unis ont des bases militaires de chaque côté de l'Iran. Ils en ont en Irak et ils en ont en Afghanistan. Alors, c'est clair qu'ils sont dans une position très avantageuse pour faire des menaces d'attaque militaire contre ce pays-là, pour mener des actions clandestines à partir des pays limitrophes, etc. Et il semble y avoir certains rapports là, qui indiquent qu'il y a des actions de cette nature-là en Iran, des tentatives de déstabilisation dans certaines régions, etc. Donc, ce ne sont pas des raisons qui sont nécessairement glorieuses à mentionner sur la place publique. Et c'est pour ça qu'on a un tout autre discours officiel pour justifier la guerre. Mais quand on regarde certains documents, comme il y a un livre qui a été écrit sur qui explique un peu comment la décision s'est prise de transférer les troupes canadiennes de Kaboul à Kandahar, parce qu'au départ, nos troupes étaient à Kaboul et elles ont été déplacées après quelques années vers Kandahar dans un rôle beaucoup plus directement là, de combat contre ceux qui refusent la présence militaire étrangère. Alors, quand on regarde les discussions qui ont eu lieu entre Paul Martin, certains hauts gradés militaires, des ministres et certains officiels américains, il n'est jamais question dans leurs discussions à eux de droits des femmes, de démocratie, de gouvernement, etc. Il est plutôt question de... Ça serait probablement une bonne chose à faire pour nous placer dans les bonnes faveurs des États-Unis. On attend probablement ça de nous et ça augmenterait l'écoute que l'on aurait auprès des autorités américaines. Alors, sous-entendu sur d'autres questions, comme quand on a des conflits par rapport au bois d'œuvre, par rapport à la vache folle, par rapport à toutes sortes de problèmes économiques, et entre autres, après les attentats du 11 septembre, la frontière américaine est devenue moins facilement traversable pour les camions canadiens, etc. Il y a eu toutes sortes de tracasseries administratives, si on peut dire, liées supposément à la sécurité, là, qui ont fait que le flux des marchandises était au ralenti. Alors, pour se placer dans des bonnes positions de négociation avec les partenaires économiques et politiques aux États-Unis, il faut tenter de leur faire plaisir sur d'autres terrains. Et l'ambassadeur des États-Unis au Canada à l'époque, Paul Chelucci, avait dit que le seul mandat qu'il avait reçu de son gouvernement, c'était de faire augmenter les dépenses militaires canadiennes de façon significative. Et d'autre part, sur toutes les tribunes au Canada, il répétait constamment que la sécurité, c'est plus important pour les États-Unis que le commerce. Alors, le message qui a été compris, je pense, par les autorités canadiennes à l'époque, c'était que si on alignait davantage notre politique étrangère sur celle des États-Unis, on aurait beaucoup plus librement accès au marché américain. Les grandes entreprises canadiennes auraient cet accès-là beaucoup plus facilement au marché américain. Alors, c'est ce qui s'est produit aux alentours de 2004-2005, après beaucoup de publications, entre autres du Conseil canadien des chefs d'entreprise qui allaient dans ce sens-là. Et là, ça fait une dizaine d'années là, qu'on est en guerre en Afghanistan, que nos soldats se battent, qu'il y a eu des morts. On a dépensé, là, si c'est 2 milliards par année sur 10 ans, on parle d'une vingtaine de milliards de dollars pour aller faire une mission là-bas. Et là, on parle, c'est pas nouveau, mais on parle du retrait des troupes et on se fait dire souvent par le gouvernement conservateur, par les libéraux, qu'on va retirer les troupes canadiennes le jour où le gouvernement qu'on a mis en place en Afghanistan va être prêt à lui-même là, assurer la sécurité du territoire et le développement. Depuis 10 ans que les armées internationales sont là, là, on parle des armées les plus puissantes de la planète et ils n'en sont pas venus à bout, ils ne contrôlent pas tous les zones. Donc, quand est-ce qu'on peut imaginer que peut-être le gouvernement de Karzai sera capable de contrôler le territoire et que là, on pourra retirer les troupes? Ça va-t-il arriver un jour? Je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il y a les objectifs du gouvernement canadien et de ses alliés là-dedans. Et il y a aussi la réalité sur le terrain. Alors, comme vous le dites, on est loin de contrôler tout l'Afghanistan. En fait, c'est plutôt le contraire. Les zones qui sont vraiment sous l'autorité du gouvernement central qu'on supporte à Kaboul sont une minorité du pays. Et dans les dernières années, l'offensive est de plus en plus forte contre la présence militaire étrangère en Afghanistan. Il y a de plus en plus d'attentats, de soldats qui sont tués et aussi un grand nombre de civils qui sont de part et d'autre là, ciblés dans cette guerre-là. On peut se retirer aussi pour une raison qui n'est pas mentionnée, c'est-à-dire que cette résistance-là devienne de plus en plus forte et que les coûts à assumer, autant en vie humaine qu'en argent, deviennent vraiment plus justifiables auprès des opinions publiques occidentales et en particulier auprès de l'opinion publique canadienne. Mais les gouvernements peuvent profiter du fait qu'en général, la politique étrangère n'est pas la préoccupation centrale des citoyens et des citoyennes. Donc, ils ont une opinion là-dessus. Ils sont contre la guerre en Afghanistan, ils sont contre les grands achats militaires, mais c'est rarement sur ces questions-là que les gouvernements tombent ou réussissent à se faire élire. C'est toujours davantage sur les questions de politique interne, de santé économique, de services sociaux, etc. C'est souvent les grands enjeux des élections. Ce qui fait que pays peuvent un peu faire à leur tête ou à la tête des gouvernements sans nécessairement toujours tenir compte de l'opinion publique. On a vu Tony Blair se faire réélire quelques fois, même si la majorité de la population en Angleterre était contre la guerre en Irak. Mais la dernière fois, il a décidé de se retirer parce qu'il semble même que sur cet enjeu-là, ça devenait assez important. Et ça devenait une question de pouvoir, finalement. Mais c'est rarement le cas, et on le voit au Canada. Les choix ne sont pas vraiment très significatifs sur cette question-là. Même les libéraux, qui sont la principale force d'opposition là, aux conservateurs au Canada, semblent s'entendre avec les conservateurs contre l'opinion publique très majoritaire au Canada. Et Michael Ignatieff avait fait des déclarations qui, elles aussi allaient dans le sens du maintien des troupes canadiennes en Afghanistan. Et là, en terminant, la question que j'ai envie de poser, c'est, là, on parle d'un prolongement de la mission canadienne, mais un changement de ton, finalement, de la mission. Alors, on retirerait certaines troupes et les troupes qui seraient là seraient affectées à de la formation exclusivement, donc moins de combats, moins de coups. Donc, c'est comme une version light, si on veut, de la mission. On réagit comment? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, dans le fond, ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Ben, pour ceux qui s'opposent à la guerre pour des questions, je dirais, fondamentales, des questions de principe, en regardant quelles sont les raisons de ces guerres-là, c'est pas une bonne nouvelle. C'est la continuation de notre participation à une guerre qui est une guerre de contrôle d'un pays étranger, qui est une guerre d'occupation de ce pays-là. On entend toujours un discours un peu surréel. On parle du maintien de nos troupes jusqu'à ce que le gouvernement local soit capable d'assurer la sécurité du pays. Mais ce n'est pas une question de sécurité du pays face à l'extérieur. Ce pays-là est complètement déchiré entre plusieurs forces qui veulent prendre le pouvoir. Certaines de ces forces-là sont assez farouchement anti-occidentales et d'autres pro-occidentales. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les forces qui sont pro-occidentales, en fait, qui sont les forces qu'on a mis là nous-mêmes, Hamid Karzai, entre autres, prennent le contrôle du pays pour pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens des intérêts de nos élites économiques et non pas dans le sens nécessairement des intérêts de leur propre population. On cherche pas vraiment la démocratie. On cherche, par exemple, un gouvernement qui soit en place et qui puisse garantir que le pipeline va être construit et donc que le pays soit sécurisé assez pour qu'un pipeline puisse être construit et que ce pipeline-là soit aux mains des intérêts américains et de leurs alliés. C'est un exemple, mais c'est un des gros exemples, là, des gros enjeux dans cette guerre-là. Alors, quel que soit le rôle qu'on joue là-dedans, que ce soit un rôle plus directement de combat ou un rôle de formation de d'autres combattants, les objectifs de l'ensemble de cette intervention-là sont les mêmes et dans notre cas à nous, on les dénonce et on veut que le Canada cesse de participer à cette guerre-là sous quelque forme que ce soit. Eh bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'était Raymond Legault du collectif Échec à la guerre. On parlait de la guerre en Afghanistan et du prolongement de cette mission. Alors, en terminant l'émission, j'ai envie de parler d'une initiative, dans le fond, qui se passe présentement à Trois-Rivières. Ça origine un peu du comité jeunesse, du comité de solidarité Trois-Rivières. Donc, le comité jeunesse, c'est un comité pour les jeunes, là, 16-35 ans, qui ont envie de s'impliquer un peu à Trois-Rivières, faire des actions en solidarité internationale, si on veut. Alors, l'idée qu'ils lancent, c'est Trois-Rivières Villes Équitables. Le mouvement des villes équitables, ça se passe un peu partout dans le monde. L'idée, c'est que c'est Transfert Canada, donc la certification, là, lorsqu'on voit sur le produit, là, la certification équitable. Eh bien, depuis plusieurs années, en fait, ça s'est passé surtout en Europe, on a lancé le mouvement des villes équitables. Alors, le but, c'est de faire une espèce de concertation locale pour mousser les produits équitables, de changer les cafés qu'on a, mettons, dans les commerces qu'on a présentement, essayer de mettre une plus grande place au café équitable, au sucre équitable, aux bananes équitables, à toutes sortes de produits, et finalement que notre ville devienne un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait dire en développement durable, sauf que là, on axe sur le côté humain de la chose. Alors, c'est une très belle initiative qui est lancée. Il y a plus de 630 villes présentement dans le monde, dans 18 pays différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est principalement en Europe. Mais ça commence ici au Canada. Donc, il y en a de plus en plus de villes qui atteignent leur certification équitable. Ça a commencé en 2007 avec la ville en Nouvelle-Écosse, c'est Wolfville. On a eu La Pêche au Québec aussi en 2007. Et là, ça continue comme ça. Il y a une quinzaine de villes canadiennes qui ont obtenu la certification équitable. Et la dernière à l'avoir eue, c'est le 9 février dernier, c'était la ville de Sherbrooke. Alors, c'est une ville qui ressemble un peu à Trois-Rivières au niveau du nombre de gens, les nombres de commerces, la grosseur de la ville, etc. Alors, c'est un signe très encourageant pour l'initiative du comité de solidarité Trois-Rivières qui veut faire de Trois-Rivières une ville équitable, que Sherbrooke ait réussi. Et ça leur a pris un an environ là, pour atteindre la certification équitable. Si vous voulez en apprendre plus sur cette initiative du comité jeunesse du comité de solidarité Trois-Rivières. Je vous invite à vous rendre sur Facebook. Et effectivement, c'est le comité jeune. Alors, ils ont une page Facebook et ça s'appelle Trois-Rivières, ville équitable. Vous pourrez joindre la page et avoir accès à toutes sortes d'informations et même de pouvoir, dans le fond, vous-même faire peut-être un certain bout de chemin là-dessus pour que d'ici un an, la ville de Trois-Rivières devienne officiellement une ville équitable. C'est tout pour cette semaine. On a fait le tour de l'actualité nationale et internationale. On a reçu Raymond Legault d'Échec à la guerre, François Landry en tour de revue de presse. C'était une émission présentée et animée par le Comité de solidarité Trois-Rivières qui œuvre dans la coopération internationale en Mauricie depuis 1973. On se quitte avec une pièce. C'est une espèce de reggae chilien. C'est très, très bon. Ça va vous mettre de la chaleur, peu importe d'où vous écoutez la chanson. On se dit à la semaine prochaine. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Y es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque siento dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste. Y ya no estoy triste, no estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. No estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti. Siempre. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.